En ce moment, Goriot, Mademoiselle Michonneau, Poiret descendirent, attirés par l'odeur du roux que faisait Sylvie pour accommoder les restes du mouton. À l'instant où les sept convives s'attablèrent en se souhaitant le bonjour, 10 heures sonnèrent. L'on entendit dans la rue le pas de l'étudiant. « Ah, bien, monsieur Eugène, dit Sylvie, aujourd'hui, vous allez déjeuner avec tout le monde. » L'étudiant salua les pensionnaires et s'assit auprès du père Goriot. « Il vient de m'arriver une singulière aventure, » dit-il, en se servant abondamment du mouton et se coupant un morceau de pain que Madame Vauquet mesurait toujours de l'œil. « Une aventure, » dit Poiret. « Eh bien, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux chapeau ?» dit Vautrin à Poiret. « Monsieur est bien fait pour en avoir. » Mademoiselle Taillefer coula timidement un regard sur le jeune étudiant. « Dites-nous votre aventure, » demanda Madame Vauquet. « Hier, j'étais au bal, chez madame la vicomtesse de Beauséant, une cousine à moi, qui possède une maison magnifique, des appartements habillés de soie, enfin, qui nous a donné une fête superbe, où je me suis amusé comme un roi. « Telé !» dit Vautrin, en interrompant net. « Monsieur, reprit vivement Eugène, que voulez-vous dire ? Je dis « telé » parce que les rois telés s'amusent beaucoup plus que les rois. C'est vrai, j'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi, parce que... » fit Poiret l'idémiste. « Enfin, reprit l'étudiant en lui coupant la parole, je danse avec une des plus belles femmes du bal, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Elle était coiffée avec des fleurs de pêcher, elle avait au côté le plus beau bouquet de fleurs, des fleurs naturelles qui embaumaient. Mais, bah, il faudrait que vous l'eussiez vue, il est impossible de peindre une femme animée par la danse. Eh bien, ce matin, j'ai rencontré cette divine comtesse sur les 9 heures, à pied, rue des Grès. Oh, le cœur m'a battu. Je me figurais. Qu'elle venait ici, dit Vautrin, en jetant un regard profond à l'étudiant. Elle allait sans doute chez le papa Gobseck, un usurier. Si jamais vous fouillez des cœurs les femmes de Paris, vous y trouverez l'usurier avant l'amant. Votre comtesse se nomme Anastasie de Restaud et demeure rue du Helder.